Je n'aspire qu'à te ressembler ici-bas. Te recevoir, conduire ma joie sous ton regard sauveur clément. Mon âme approuve qu'en toi se trouve son absolu contentement. Puissance dans leurs orbes radieux, je comprends ma petitesse, mon néant est ta grandeur, je sens toute ma faiblesse. Oh Dieu puissant créateur, sauveur fidèle, divin modèle, seul et digne, seul digne de guider mes pas. Ta voix m'attire et je l'inspire. Sous ton regard, sauveur fidèle, sauveur clément. Mon âme approuve qu'en toi se trouve son absolu contentement. Quand je vois l'armée immense des astres brillants aux cieux, soutenus par ta puissance dans leurs orbes radieux. Je comprends ma petitesse, mon néant est ta grandeur. Je sens toute ma faiblesse. Oh Dieu puissant créateur, sauveur fidèle, divin modèle, seul et digne, seul digne de guider mes pas, seul digne de guider mes pas. Ta voix m'attire et je n'aspire qu'à te ressembler. Modèle.